11 22, observation, aller et venir. Venir de, qui indique l'origine. Mireille vient de l'Institut. Aller à, c'est la destination. Elle va à la fac. Venir de indique l'origine. Aller à indique la destination.